Thank you. Thank you.

Thank you.

Vous arrêtez, mon grand. Replay. Replay, bitch. J'aime bien ce truc-là. Litch, could you replay? Il est français, tu vois. Litch, je veux jouer ton morceau. bon, on n'est pas passé en 32. Du rock, non. Okay. les accords. Les accords. Zig, play. I don't remember the tune. Thank you.